Tout tourne boulé par l'approche du 14 février. Vous avez remarqué, les jingles sont partis à l'envers. On va écouter pour une fois, hein, pour une fois, le jingle de la radio passe après le jingle de la saga. C'est la saga numéro 403. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13 février 2019. C'est pour vous prouver que nous sommes en direct. Et nous allons ce soir faire une saga qui ne va parler que et uniquement d'amour. 100% love, 32 titres de programmés. Je ne sais pas encore si on les passera tous, on verra bien. Mais voici les 5 premiers, pas d'album de la semaine. Hein. L'album At the Speed of Sound avec évidemment cette chanson. C'est les Love Songs pour débuter avec Paul McCartney. Ensuite, il y aura George Harrison qui nous chantera You sur Extra Texture, Read All About It de 1975. Pour les Beatles, ce sera Something. Oui, oui, j'ai un petit peu mélangé sur Abbey Road en 1969. McCartney reviendra avec Maybe I'm Amazed, forcément, sur l'album McCartney en 1970. Et pour le cinquième titre, L'amour vient à tout le monde. J'aimerais bien qu'il m'arrive aussi à moi. Love Comes to Everyone, George Harrison, en 1979. Voilà. Pour le reste, eh bien, je vous ai dit, 32 titres. Donc, on a le temps. J'espère que tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Parlez-en autour de vous. On est de plus en plus nombreux sur ce groupe Facebook. C'est très, très bien. Cette émission existe depuis 1984 et depuis une bonne douzaine d'années sur RIG. Et elle passe sur 90.7 en exclusivité pour ceux qui captent la FM dans la région. Pour tout le reste de France, de l'Europe, du monde ou de plus loin encore, c'est sur www.rigfm.fr. Je suis déjà prêt, il reste 30 secondes encore. Bon, eh bien, je vais vous parler de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va se faire un match amical avec Marc qui fait tous les 15 jours juste avant moi. Il adore les Rolling Stones, j'adore les Beatles, j'aime bien les Rolling Stones aussi. Donc la semaine prochaine, les Beatles contre les Rolling Stones, ce sera un match totalement amical puisque les deux sont bien, avec un petit penchant pour 4 bonhommes en ce qui me concerne. Et ce sera vraiment très très bien. Parlez-en autour de vous. La semaine prochaine, le match Beatles contre Rolling Stones. Voici Paul McCartney, Silly Love Songs sur RIG. Bonne écoute et bonne soirée à vous tous et toutes. Cause here I go. gens qui ont envie de remplir le monde de chansons d'amour stupides. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Voilà la fin de la chanson et le thème de la chanson. Et en fait, c'est un journaliste qui a dit à Paul McCartney, est-ce que t'en as pas marre de composer des stupides chansons d'amour? Il est parti de ça et il en a fait un tube en 1976 sur l'album At the Speed of Sound. Vous êtes bien sur RIG, c'est la saga de l'amour ce soir. Chanson très très simple, I love you, you love me, George Harrison en 75. À suivre, un chef-d'œuvre de George Harrison. Now

1987, un retour triomphant de George Harrison après 5 ans de silence, curieusement, comme John Lennon l'a fait entre 75 et 1980. Et ce très bon album Cloud Nine, avec beaucoup d'aide de Jeff Lynne, son copain, et d'autres. Il y avait Eric Clapton sur l'album, il y avait aussi Elton John. Mais bon, là, nous célébrons l'amour, remarque. L'amour, ça peut être aussi l'amitié avec les copains. Ça peut marcher très très bien comme ça. Et puisqu'on parle d'amour, nous parlons de la Saint-Valentin qui arrive. Et Paul McCartney, romantique comme il est, n'a pas pu s'empêcher de créer une chanson qui s'appelle My Valentine. Et le voici qu'il chante sur Kisses on the Bottom en 2012. Serré, serré, collé. Paul McCartney est avec vous. C'est la saga des Fab Four spéciale Love. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. Thank you.

John Lennon n'a malheureusement pas eu le temps de finir cette chanson-là. C'est pour ça que le son n'est pas très très bon. Il y avait le piano, une boîte à rythme posée au-dessus. Ça a été enregistré comme ça. C'est d'abord sorti ainsi en 1984 sur l'album Milk and Honey. Et puis, John Lennon avait eu le temps de dire qu'il voyait quelque chose de très mélodieux là-dessus, etc. Et donc, Yoko Ono a demandé à George Martin de composer la mélodie autour que vous avez entendue et qui fait partie de l'anthologie Beatles sortie en... l'anthologie John Lennon sortie en 1998. Merci à George Martin d'avoir fait cette superbe mélodie par derrière. Comme le dit Yann sur Facebook, celle-ci aurait mérité d'être enregistrée en studio, même si sur cette version-là, George a fait du très très très très bon boulot. 1976, l'album 33 and One Third, pas facile à dire, et True Love, une reprise de Cole Porter par George Harrison sous la RG. True love, true love. Soyez en train de manger dans un restaurant qui sonorise avec R.I.G., c'est une très bonne idée, ou que vous soyez chez vous en train de manger, pourquoi pas, que vous soyez en voiture si vous nous écoutez sur 90.7, c'est la saga des Fab Four que vous écoutez, une émission qui existe depuis 1984, consacrée aux Beatles. Et aujourd'hui, on fête l'amour avec une journée d'avance, mais les Beatles chantaient l'amour tout le temps, 365 jours par an, pas seulement le 14 février, heureusement. Donc nous sommes le 13 février et nous fêtons l'amour avec seulement des chansons d'amour dans la saga. Donc en voici une en 1978 sur l'album London Town. Monsieur Paul McCartney chantait I'm Caring. Superbe chanson, très très belle voix, écoutez. By dawn's first light I'll come back to your room again. I'm carrying something. I'm carrying something for you. A long time no see, baby. Paul McCartney, mais l'année dernière, sur son dernier album en date pour l'instant, l'album Egypt Station, voici la chanson dont je ne me lasse pas de vous proposer mercredi après mercredi, parce que j'aime beaucoup cette chanson-là. Happy With You sur R.I.G. I sat around all day. I used to get stoned. I like to get wasted. These days I don't, 'cause I'm happy.

16 years so beautiful, and she's mine. She says she's mine. Without You de Ringo Starr aussi, mais c'est extrait du dernier album en date de Ringo Starr. Ringo Starr qui va fêter ses 79 ans cette année, ça paraît dingue, et surtout que lui, il a vraiment bloqué le compteur à 50 et quelques. Il paraît vraiment très, très, très en forme. On se dépêche, on a plein de chansons à passer, on a plein d'amour à donner. Voici Girl, les Beatles sur RIG. Is there anybody going to listen to my story? All the

song, loving song, loving song, loving song. For Saga, right here on your radio with Rory Gale. Il continue à serrer son ou sa partenaire. No Other Baby, 1999, Paul McCartney. Vous êtes bien sur RIG. Je vous accompagne jusqu'à 10h02. C'est la saga des Fab Four. Thank you. De chansons d'amour, on peut difficilement passer au travers de deux grandes chansons de John Lennon, Love d'abord en 1970 et Woman 10 ans plus tard. Real. dédiée la prochaine à Alexandra. Maintenant et pour toujours, qu'il disait John Lennon sur R.I.G. et dans son album Double Fantasy. Vous vouliez un deuxième Ringo ? Allez, en 1973, il disait « Tu as 16 ans, tu es belle et tu es à moi ». nonstop. You walk out of my dreams and into my car. Now you're my angel divine. You're 16. You're beautiful. Chanson suivante a été rajoutée lors de la ressortie en l'an 2000 de l'album All Things Must Pass, I Live For You. Monsieur George Harrison, il l'avait composé en 70, mais il ne l'avait pas intégré à l'album à l'époque. All alone in this world, am I? Not a care for this world, am I? From all that is grown in this darkness, I wait for the day. Yes, it's true. I live for you. For many years nostri Beatles hanno cantato l'amore, l'amore assoluto come concetto. Alors, c'est une chanson d'amour des Beatles, mais le reste, mon italien n'est pas assez fort. Un grand bonjour à Daniele, qui fait actuellement une émission sur Atom Radio en Italie. Donc, un grand bonjour à lui. C'est la saga de l'amour. C'est donc la saga de l'amitié aussi. Et il y a plein de gens qui font des émissions autour du monde sur les Beatles. Il faut que ça continue comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On revient au premier album des Beatles avec la première chanson des Beatles. Quand je l'ai vue devant moi chanter Johnny, I saw her standing there sur RG. 1, 2, 3, 4. Animateur radio, un homme et les auditeurs. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Oh, you know I will. Parlera-t-il d'amour dans quelques minutes? Eric, avec son émission Johnny de A à Z. Et de toute façon, avec Eric, c'est l'amour toujours, toute l'année, 365 jours, voire même, paraît-il, 366 jours par an. Il m'avait dit ça une fois. Il y en a qui ont de la chance, les filles. Hein. Bon, voilà. Let's go back, back, back, back, back. D'amour, on était obligé de passer celle-là. En voici presque l'avant-dernière, Warm and Beautiful sur Wings at the Speed of Sound sur RG. C'est toujours Paul McCartney.

Love is all in me. Love is all in me. Love is all in me. Love is all in me. Love is all in me. Love is all in me. C'est fini déjà, ça passe trop vite, 2 heures. Merci à tous et à toutes. Bonne Saint-Valentin, amusez-vous bien. Que tous les amoureux s'embrassent, que les autres en rêvent. Et à très très bientôt, je vous laisse entre de bonnes mains celle d'Eric pour Johnny de A à Z. Salut, ciao. La semaine prochaine, n'oubliez pas, la bataille, le choc, les Beatles contre les Rolling Stones. Ça va chauffer.